Bismillah ar-Rahim. Donc, on se trouve maintenant dans le chapitre du Jumu'a. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في الحديث الحادي والثلاثين بعد المئة 131 حديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. Donc selon عبد الله بن عمر, le message d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit que celui qui vient parmi vous qui assiste au Jumu'a, qu'il se lave. Le lavage du Jumu'a. يقول فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الراوي عبد الله بن عمر le rapporteur c'est عبد الله بن عمر dont on a déjà parlé auparavant. ويقول موضوع الحديث le sujet du hadith بيان حكم الاغتسال لصلاة الجمعة le jument justement de ce ghusl de ce lavage pour le jour du Jumu'a. يقول في شرح الإجمالي explication globale du hadith يخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من أراد المجيء إلى صلاة الجمعة أن يغتسل ليطهر جميع بدنه من الأوساخ تعبدا لله عز وجل واتقاء لروائح والأوساخ في هذا المجمع الكبير. Donc Ibn Omar رضي الله عنه informe que le Nabi صلى الله عليه وسلم a ordonné à chaque personne qui voudrait assister au Jumu'a de se laver afin de pouvoir purifier tout son corps des saletés et cela en dévouement pour Allah Azawajal, par dévotion pour Allah Azawajal, c'est-à-dire comme acte d'adoration, et pas un simple lavage. C'est-à-dire que ce lavage demande une intention, que tu aies une intention de faire un lavage du Jumu'a, et non pas quelqu'un qui vient le matin, il est sale, il se lave, un vendredi matin, après il dit ah, c'est bon, j'ai fait mon rousse du Jumu'a. On dit Seigneur, mais tu n'as pas fait l'intention de faire un rousse du Jumu'a, ce rousse est à refaire. D'accord ? Car cela amène ce que les gens soient réunis en un seul lieu, un seul moment, une grande assemblée, et cela évite aux gens d'avoir de mauvaises odeurs ou d'avoir des saletés sur eux. Non. Donc là, de ce hadith, le chien n'a pas cité le fawaïd, mais on va en parler vite fait. Déjà, ce hadith montre que le rousse du Jumu'a est obligatoire selon la vie authentique. Car le Nabi sallam, quand il fallait lire tassil, qu'il se lave. D'autres hadiths sont venus montrant que cela n'était pas forcément obligatoire, ce qui fait qu'il y a eu une divergence sur le sujet. Et en réalité, les ulama ont expliqué que ce hadith-là, qui sont venus de l'obligation, sont plus forts, ont un isnad plus fort que ceux qui citent que cela n'est que recommandé. Et quoi qu'il en soit, quand bien même on dit que la personne ne pourrait pas distinguer entre les deux avis, on le dit, prends l'avis le plus prudent et fais le rousse du Jumu'a, ce qui reste quand même meilleur. Au minimum, ça reste meilleur. D'accord, ça reste meilleur. Et le rousse du Jumu'a se fait comme le rousse de Janaba. C'est pareil. En faisant l'ozo, puis en se lavant tout le corps. Et ce rousse du Jumu'a n'est obligatoire pour que ceux qui assistent au Jumu'a. Quant à celui qui n'assiste pas au Jumu'a, qui est malade, ou qui est en voyage, ou la femme, ou l'enfant, ou l'esclave, eux, ce rousse n'est pas obligatoire pour eux. C'est-à-dire qu'on fait ce lavage pour la salade du Jumu'a et non pas pour le jour du Jumu'a en lui-même. Et ce rousse se fait après le Fajr, après la levée du soleil. Après la levée du soleil. Pour qu'il soit rendu valable. Naam. Azaladi khazan l'yum min hadha al-hadith. والحمد لله رب العالمين